J'suis en mode de speed, tellement pressé que tous se demandent qui j'suis. Personne, mec, ça sonne dans ma tête. J'ai des tonnes de sons à gérer et de textes à lâcher. Ça t'étonne, vas-y, check, tu seras résigné. En moins de temps que j'en ai, j't'assure, c'est vrai. J'suis débordé, surmené, dépassé. J'dois négocier mes dossiers. J'ai le dossier comme assis sur de l'osier. Assis, on serait toujours pas assez. Mes potes et ma meuf viennent s'égosiller pour savoir ce que j'fais, savoir comment j'vais. Mais moi, j'm'en vais enregistrer. Même si avant d'être enfermé, j'me dis, j'me sens concerné. J'ai pas le temps même pour pioncer. Et d'ailleurs, ça se voit à mes yeux cernés. Tu te lèves, tu t'enlèves. La crasse la veille, de sable, la glace la vieille. Tartine, et puis vite te réveille. Toujours un bon son dans les oreilles. Voilà comment les journées commencent. Ensuite ça s'enchaîne, rien à voir avec une romance. C'est plutôt action, réaction, accumulation, multiplication. Plus trop le temps pour ma passion, mes passions. Je me débrouille, non sans embrouiller. Je me dépatouille de toutes ces trouilles. Pour grappiller des instants de paix, ça devient chaud mais faut s'accrocher. Ça ouais. Speed, speed, speed, speed, speed. Mais trop chargé là, je vais devoir trop me dépêcher, ça fait chier. J'ai beau remonter les aiguilles de ma Lotus, y'a pas de truc pour contrer le temps qui passe, y'a pas d'astuce. Comme pour esquiver une frappe nucléaire russe, c'est en hiver alors que hier il faisait juste plus beau. T'entendais le chant des oiseaux et tu te levais tôt, profitant de tous les moments. Je me regarde dans le miroir et je n'en reviens pas, non, n'en reviens pas. Je vois mon enfance enfermée dans un tiroir. Je crois que ma chance restera toujours dans le noir. Je me tape des barres sans je ne sais même plus quoi, parce que ma mémoire même elle ne sait même plus quoi. Les petits poussent trop vite, les grands prennent la fuite. Toi tu te prends des cuites, fais le beat. Qu'on le fric, moi je crée des titres qui m'aident à me dire qu'on n'est pas des kings. Sauvegarde mes dires, la vie n'est pas un ring. Donne-moi tout ce que t'as pas, ta ringtone. De nos cas, j'veux ton cœur et ta voix, ça va ding donne. File et s'étonne de tomes de bonnes ondes. Si cela t'étonne, tape mon code sur ta map. Mon j'ai pas le temps, ma vie va trop vite. Je ralentis car c'est que tu n'aimes pas quand je débite. J'ai pas le temps donc pas encore fini ce beat. Si tu l'attends, mec, c'est que tu as du mérite. Papa de putain de temps pour faire une partie de pétanque avec mes oncles et mes tantes. Ou alors pour planter ma tente dans un endroit tranquille situé loin de ma ville. Au lieu de sa cellule et ses occupants par milliers. Ma speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed. Speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed,